hago lo que puedo. Je fais lo que je peux faire. Je peux faire. Moi, ni plus. Pour moi, c'est mieux l'été et le printemps parce que je peux montrer. Au monde. J'aime pas l'hiver parce que le corps est toujours tapado. Y está cerrado hoy.